Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Alexandrine Pichessier nous fera goûter au meilleur chocolat de Trois-Rivières dans la crème de la crème. Cindy Gilbert nous chicanera d'avoir mangé ce 10 chocolats dans sa chronique Activez votre santé. Et Stéphanie Paradis survolera avec nous le plus récent sur le campus. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis ce mercredi 12 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Stéphanie Paradis! Mathieu Plante! Ça va bien? Oui, toi? Oui, hey, aujourd'hui, la raison que j'imite une voix très, très aiguë comme ça, c'est que c'est la journée estrogène. Donc oui, ça va bien parce que c'est la journée estrogène. OK, je pensais que c'était une journée officielle sur le calendrier. Je trouvais ça bizarre. Ah, non, c'est ça. Non, mais c'est la... qu'il y a vraiment plein de journées étranges là, sur le calendrier. Là, fait que ça m'aurait pas étonné tant que ça. Chaque jour a sa fête, un petit peu bizarre. Mais c'est ça, c'est la journée où il y a de l'estrogène, il n'y a pas de plaisir. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, on reçoit... Ah, mais je comprends ton effort. C'était cute dans ma tête, oui. Hein? C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Là où il y a de l'estrogène, il y a du plaisir. Mettons, si on veut. Ah, c'est beau, c'est gentil. Tu vois. Elle, c'est Alexandrine Pichessier. Bonjour, tout bonjour. Le monde. Elle qui va faire sa chronique La Crème de la Crème dans quelques instants. On va manger apparemment des choses sucrées. J'en vois sur le bord, là. Et c'est difficile de ne pas commencer là. Dibs sur le rouge. Ah, dibs? Ah ouais? Ben là, je vais prendre l'autre. Là. Je ne connais même pas les saveurs des autres. Je vais pas, tout vous expliquer ça tout à l'heure. On dirait un titre d'émission, Les saveurs des autres. Les saveurs des autres, oui, en effet, ce serait pas c'est louche ça. Un peu. On va aussi avoir plus tard l'émission Cindy Gilbert et sa chronique Activez votre santé, elle qu'on reçoit aux deux semaines à Assemblage requis. On va combattre le gras. Oui, il n'y a pas de gras dans le chocolat, vraiment. Il y a juste plein de glucides. C'est non, pas ça. Du glucide. Oui, il y a du gras, des glucides. Il y a les deux. Des glucides, c'est pas des gras. Mais gras, c'est autre chose, glucides et gras, c'est pas la même chose. Non, glucides, c'est du sucre. OK. Ben, forme de sucre. C'est des lipides, le gras. Ah. Ouais. Bon. D'accord. Puis, il y a du potassium. Hein? C'est du potassium. C'est du potassium. D'accord. Ensuite, à 8h30, participation spéciale d'Alexandra Carignan. Elle a manqué l'émission lundi, donc elle reprend sa chronique aujourd'hui à 8h30. 9h, Stéphanie Paradis. C'est moi. Avec la chronique du Zone Campus. Ben oui, j'ai allumé un matin. Tout nouveau numéro qui vient de sortir hier. Avec une splendide page couverture. Des chests. Ben, il y a un chest, là. Il y en a un autre en arrière, je ah, pense. Ah ouais, il est caché. Deux chests puis trois belles faces. C'est un chest et demi. Puis en plus, on commence encore, tu sais, toute humide là, de natation. Humide. Là. Tu vois, moi, ce mot-là, humide, je trouve pas que ça a l'air si sexy que ça. Ça. Ben... Ça, ah, t'es tellement humide. Tu regarderas la une zone campus, tu vas voir que... Là, mieux t'es chaude ou t'es chaud, tu sais, comme les jeunes disent, tu sais, parce qu'ils traduisent le mot hot. Ah, j'avais jamais compris pourquoi qu'on disait ça. Ah, qu'elle est chaude. On dira jamais, ah, qu'elle est humide, parce que ce serait un petit peu déplacé, tu sais. Pour OK. Donc voilà, c'est l'émission estrogène d'aujourd'hui. On va faire ça dans les deux prochaines heures. On va débuter en musique avant la crème de la crème avec une petite pièce grenadine. Je me mêle entre monogrenade et grenadine. Mais j'avoue qu'ils doivent être cousines. Sûrement, oui. En tout cas, ils sont côte à côte à l'épicerie. Oui, c'est bonjour tristesse, oui, l'épicerie. Là où c'est humide par moment. Et des fois très froid. Je ne suis pas de celles qui reviennent. Je ne suis pas issue d'un de tes mirages. J'ai appris, je regrette. Mais moi quand je reste, j'y pense à deux fois. Car on peut se défaire et s'enfuir. Du bout des doigts. Je ne suis pas de celles qui fauchent du regard. Ne tombe parfois.

Lui était plus chaud que froid, celui-là. C'est peut-être la température. Mm-hmm. Est-ce que tu t'es assis dessus? Non. Mm-hmm. Mais les autres, ils ont passé la nuit dans mon auto. Lui, il était chez nous. Ah! Et j'ai fait manger du chocolat à Cindy. Ah, il est cool, hein? C'est tout ça qu'il faut dire? Il est en forme de cœur. Puis il est beau. Il est très bon. Il est plus romantique. Lui, tu sais, c'est comme la fille à prendre une bouchée. Là, elle a un peu de caramel sur le bord de la bouche. Oui. Oh, okay. Le gars, il le regarde. Son chum le regarde et il fait « Ah, oh, attends, je vais te l'enlever. » Puis là, c'est le premier baiser. Oh. Ah, moi, ça serait plus du genre, ça après 5 ans, c'est comme « Hey, t'as du caramel? » Là, tu te liches le pouce. En tout cas. Ouais, non, c'est comme un caramel qui est caramel extra deluxe. Genre, c'est parfait. Comme alors, mais mon stamp, la crème de la crème, irait... Ah, ces chocolats-là. Je suis vendue, hein, mais ils sont vraiment bons. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Genre, le meilleur du meilleur. Oh, ben, oui. Moi, je trouvais qu'il y avait un petit goût de menthe, mais finalement, je pense que c'est la pâte à dents. Je viens de me brosser. Ouais, sûrement, parce que ça goûte pas la menthe du tout. Puis en plus, c'est fait artisanalement, puis c'est de Trois-Rivières. Je trouve que c'est vraiment la crème de la crème. Ah, oh, moi, c'est vraiment... Le Grand Marnier. Le Grand Marnier. Ouais, moi aussi, j'irais avec celui-là. Ah, oh, ouais. L'alcool. Mais j'ai hésité quelques instants, mais j'ai de la misère. Tu prêches pour ta paroisse, ma chère? OK, d'abord. C'est les deux ex-écoutes. OK. OK, fait qu'on la prochaine fois, à la Saint-Valentin, on s'en va acheter un de chaque, puis on les met en même temps dans notre bouche. Ben oui, puis en plus, c'est sur la même rue. C'est vrai, ben ça? Ben oui, ouais. C'est à côté. C'est comme... Fait que ça compte dans notre marche. On s'en va vers le Vieux-Port pour prendre notre marche, digérer notre souper. Puis on arrête avec la charmante vendeuse. Oh. Et voilà. Donc, le 14, on est tous supposés aller te voir. Je le souhaite bien. Alors, merci tout le monde. Puis, je vous souhaite un beau 2 semaines. Et on se rejoint dans 2 semaines pour une autre chronique La Crème de la Crème. Merci à toi. Merci. Merci. Chocolat. C'est mieux du chocolat que de la bière, hein? Ah, c'est... Ben, à cette heure-là, je te dirais que le chocolat rentre mieux. Oui, effectivement. Donc, la semaine prochaine, dans 2 semaines, pardon, un mercredi à 7h30 pour La Crème de la Crème avec Alexandrine Pichet-Cyr. Merci. Merci. Au retour. On va essayer, en tout cas, au moins de perdre un petit peu de ce qu'on a emmagasiné dans notre bedon. Hein, avec Cindy Gilbert et sa chronique Activez votre santé. Yeah! On va se brosser les dents en attendant. Ah oui, c'est ça, mais pas en même temps que le chocolat ou pas juste avant. Ça gâche le goût. C'est quand même moins pire qu'un jus d'orange. Vous êtes dans la zone 89.1. Les poux dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi 12 février 2014. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Maintenant, on reçoit quelqu'un qui est en forme, quelqu'un qui regrette peut-être un petit peu ses choix alimentaires ce matin. Je sais pas, tu m'en reparleras, mais tu sais, un chocolat, demain, à cette heure-là, ça vient gâcher ta journée en termes de... Mais comment, un chocolat, tu vas pas en mourir? C'est ça que ma blonde a dit. Je suis pas d'accord. Faut profiter des petits plaisirs de la vie. Je pense qu'un petit chocolat comme ça, peut-être pas un par matin, mais je pense pas que ça va venir chambouler toute ma santé. Fait que ça, une coupe de vin, c'est correct. C'est parce qu'on a dit aussi que tu pouvais boire du vin à un moment donné. OK, rouge. Fait que c'est correct que je fais ça. C'est plein d'antioxydants. C'est incroyable le matin à 8h en se levant un petit coup de vin. Génial. Dans ses céréales, saupoudré de chocolat au Grand Marnier. Hey, à matin, mon bol de céréales, Fruit Loops mélangé avec des céréales santé que ma blonde a mis dedans. Là, genre des. Je sais pas trop c'est quoi, mais c'est des fèves. Pas des fèves, franchement. Des céréales germées, un truc, là, genre. C'est super bon, mais bon. J'ai mis du lait à l'érable dedans. Ah, c'est cochon, là. Fait que toi, t'as le niveau de sucre dans le tapis, là. Pas pire, là, en ce moment. OK. Oh, il marche sur le sucre, lui, là. Ah oui, ça marche très, très bien, d'ailleurs. Donc, Cindy Gilbert, qu'on reçoit pour sa chronique Activez votre santé. Yeah. À chaque 2 semaines, assemblage requis. Et aujourd'hui, on parle de gras. Ouais. Aujourd'hui, je m'en viens avec mon niveau de sucre dans le tapis, moi aussi. Ouais. Après les hormones, c'est le sucre. C'est pas pire, quand même. M'en viens faire la guerre contre le gras, ce matin. Alors, on part en guerre. Mais là, c'est à voir, hein? C'est relatif comme guerre. Là, on le sait que pour avoir une saine alimentation, il faut diminuer notre consommation de graisse. Oui. On le sait, c'est un fait. Ben oui. On est au courant. Parce que graisse égale en graisse. Hein? C'est pas fou. C'est ça. Mais jusqu'à quel point qu'on doit enlever les graisses de notre alimentation? Ben, c'est comme n'importe quoi, c'est la modération. Mm. Comme le vin rouge. Oui, comme le chocolat. Tu vois pourquoi faire, t'es pas ma mère. Un petit combo mec croquette des Olympiques. Ah, une coupe de vin puis chocolat. Ouais. Ouais. Fait que la guerre, c'est pas une raison pour se faire ben mal. Ben non. Ah, c'est cute. La guerre des trucs, ça. Oui, c'est loin. C'est hein. Cute. Ça, c'est le chocolat qui me fait cet effet-là. Elle a pris une bouchée, là, ben, ah, lui, c'est parti. Moi, je me peux plus, là. Acide des films le monde ne le voit pas en ce moment, mais je suis debout sur ma chaise puis je tourne en rond. Là. Il y a des roulettes en plus après ça. Jusqu'à quel point qu'on devrait enlever le gras de notre alimentation pour que notre alimentation soit santé? C'est ça la question qu'il faut se poser. Puis de où ça vient, puis à quoi ça sert? Puis ça doit bien servir à quelque chose, la graisse, dans la vie. Vous avez une petite idée? Se protéger du froid. Ah oui. Ça, c'est pas fou, ça. Mettons qu'on remonte des milliers d'années là, avant. Alors, on recule là, dans le moment où on n'avait pas de maison, on n'avait pas de frigo, on n'avait pas de restaurant fast-food à tous les coins de rue. Tous vers la machine à remonter dans le temps! On recule de bien des années. On n'avait pas d'accès facilement à la nourriture. Il fallait être capable de se débrouiller pour aller en chercher. Chasser. Oh boy, mais ça aurait pas duré longtemps. Non, hein? OK, bon. Ça où, les arbres Froot Loops? Fait qu'on... 310, 10, 10, ça marche pas, voyons. Il y a même pas de téléphone, je fais ça dans les airs. On comptait sur nos hommes, hein, notre gente masculine, pour aller chasser et nous ramener la nourriture. Excuse-moi, je vois encore Mathieu, c'est tellement pas crédible. Les coupes gays étaient vraiment très populaires à cette époque-là, quand il y avait des gars faibles comme moi, qui fait que tu trouves un autre. Un gars, même plus fort. Moi, ouais, je sais pas. Ou une femme à barbe. Tu sais, tu recules, puis les femmes s'occupaient un peu de la cueillette, s'occuper des enfants et tout ça pour pouvoir ramener la nourriture à la maison, essayer de cuisiner avec ce qu'il n'y avait pas comme cuisine à l'époque aussi. Les hommes se chargeaient de ramener la nourriture de la chasser. Mais la nourriture n'était pas aussi accessible. Hein? Ben nous, pour pouvoir survivre à tous ces années-là, avec des hauts et des bas dans notre alimentation, la graisse, à quoi ça nous a servi, c'est d'être capable de l'emmagasiner pour nous permettre d'être capable de sauter une journée ou deux sans manger, ce qui pouvait arriver régulièrement. Tu sais, les grippes d'hommes, pas existé 2000 ans, là. Qu'est-ce qu'on faisait quand notre homme pognait une grippe d'homme qui était 48-72 heures on à ne mange rien les pouvoir enfants. Faire? Fallait avoir une capacité d'être capable d'accumuler ces graisses-là. Fait que... c'est ce qui a permis à notre espèce de survivre, finalement. Fait que, tu sais, c'est déjà un gros point de départ. Ça sert à ça. Maintenant, on sait que, bon, il faut accumuler des graisses pour être quand même survivre, pour être en santé et tout ça. À combien qu'on devrait avoir de gras sur nous? Tu sais, il y a des pourcentages hein, de graisse pour dire notre poids s'entend. Combien puis combien? Là, aujourd'hui, on retourne à 2014, là. Sûrement un peu moins, hein, étant donné que c'est rare que je saute une journée au complet sans manger. Sans que je saute une heure ou deux sans manger. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Tu sais, on a quand même une moyenne, tu sais, chez les femmes, on va suggérer d'être entre 18 et 25 % de gras okay. pour être en santé. Puis chez les hommes, c'est entre 15 et 20 % okay. Ceci étant dit, en bas de 18 ou de 15, dépendant si on est un homme ou une femme, si on est en bas de ça, de surplus de graisse qu'on a accumulé dans le corps, on est en sous-poids. Fait que c'est pas mieux, là. C'est pas mieux pour notre santé. On est en carence. Et à l'inverse, si on est au-dessus de 20-25 % de gras, c'est à l'inverse, on peut tomber en bon point en obésité, puis qui peut nous amener d'autres problèmes pour notre santé aussi. Mais on parle beaucoup plus du surplus de graisse, mais on parle rarement de trop peu de graisse. C'est rare qu'on dit dans les écoles, on devrait insérer des machines à petits gâteaux parce que les gens sont en sous-poids. Non, mais attends un peu, là, ça dépend à quelle graisse. Oui, il faut penser au bon, au mauvais gras aussi, puis on va parler un petit peu plus tard dans la chronique aussi. Mais il faut penser que, oui, on a besoin d'un minimum. Mais ça sert à plein de choses aussi, le gras. Hein? Stéphanie, tantôt, tu me dis pour avoir moins froid. Oui, pour garder notre chaleur. Oui, ça sert à ça. C'est un isolant? Oui, c'est un isolant. Pour une même personne qui va avoir plus de graisse accumulée, cette même personne-là va avoir moins de facilité à, justement, avoir plus de facilité à conserver sa chaleur, finalement. Alors, oui, la personne qui va perdre du poids peut ressentir qu'elle va avoir un peu plus froid. Ah. Puis c'est différent d'une personne à l'autre. Mais pour une même personne, oui, c'est un facteur isolant, la graisse. Alors, mais ça veut-tu dire qu'on va supporter mieux l'été ou on fait juste comme... c'est le principe peut-être, d'un bas de laine? Peut-être que oui, mais peut-être que non aussi, ça dépend de chaque personne. Okay, c'est comme un bas de laine. S'il fait froid, ça garde la fraîcheur. S'il fait chaud, ça garde la chaleur. Ben, faudrait vérifier. J'avais jamais pensé à regarder si notre corps ressemblait à un bas de laine. Bon, je vais faire le test. Essaye-le. Ça dépend. Si ta tante, elle s'appelle Hélène Minéral, peut-être. Ah, mais c'est bon, mais c'est formidable comme jeu de mots. Non, mais ça pique, ça. Ouais. Elle est bien chaude. Elle est chaude en mais elle pique. Ta tante, elle pique. Ouais, ben, elle est chaude, mais à pied. Ça, tu lui donnes pas de paix. Alors, c'est la femme à barbe que tu cherchais. On a toute une tante comme ça. À barbe? Là, mes tantes qui écoutent font comme, c'est-tu de moi? Ah, ben ça, si le manteau de laine t'a fait. Ah! Bon, mettons que je continue. À quoi ça sert avant de s'écarter? Puis, à quoi avant qu'elle s'écarte. Ah, j'ai ça, mal. J'ai mal à mes yeux. J'ai mal à mes oreilles. Alors, à quoi ça peut servir aussi le gras? Bon. Transporter nos nutriments. Ah ouais? Ouais. Le fait de consommer du gras avec d'autres aliments qu'on consomme dans notre quotidien, ça peut nous aider à transporter les nutriments dans notre corps puis à mieux les absorber. Ah. Par exemple, le fait de consommer de l'huile d'olive, qui se trouve être un bon gras, avec des tomates. Mettons dans une salade grecque. Ça va nous aider à transporter les nutriments puis à mieux les assimiler. Fait que le fait de jumeler les deux ensemble, c'est un bon truc aussi pour transporter les nutriments. Fait que ça peut servir à ça aussi. Et à quoi ça peut servir? Puis tantôt, on a parlé dans la chronique sur le sucre de Alex. Ça sert le gras à avoir du goût. Ben oui. Ah, hein? Ben oui. Ça sert à quelque chose. Ça fait partie des plaisirs de la vie de manger, d'avoir du plaisir à c'est manger. C'est un petit luxe. T'es supposé pas en prendre oui. trop souvent pour que t'aies envie quand t'en prends. Colin, t'es content. C'est quelque chose de spécial. Ça. Oui, c'est un beau plus. C'est pour ça que si tu fais revenir tes oignons dans de l'huile d'olive à la place de ASIC, ça va donner plus de goût à ton petit potage. Ben oui, c'est ça. Ben oui. C'est ça le règlement. Puis en même temps, ça colle pas dans la boîte. Ça, c'est les deux ensemble. À l'envers de la médaille. Fait que là, on sait, bon, ça sert à plein de trucs. On a besoin des gras. L'envers de la médaille, ça peut nuire à notre santé. Surtout du moment où on accumule trop de graisse puis qu'on tombe en embonpoint. Puis l'obésité, tout ça. Puis il peut découler plusieurs maladies suite à l'obésité. Des exemples. Certains types de diabète, certains types de cancer peuvent découler de ça. Les maladies cardiovasculaires, augmenter la pression, le mauvais cholestérol, c'est toutes des maladies que, à cause qu'on a accumulé trop de graisse, à cause qu'on a un surplus de poids puis qu'on est en obésité, on peut avoir, enfin pas dire qu'on va avoir, mais on peut avoir ces maladies-là. Fait qu'imaginez à quel point que si on fait juste attention à notre alimentation, en coupant bon, dans les mauvais gras et tout ça, puis dans l'alimentation en général, le fait d'être moins en surplus de poids, à quel point qu'on peut désengorger les hôpitaux juste en faisant attention à notre alimentation. Tu sais, toute la liste là, que je viens de nommer, là, c'est une petite liste, là, mais ça peut prévenir beaucoup de problèmes aussi de limiter notre consommation de graisse au niveau des maladies. Il y a un juste milieu hein, qui est suggéré quand même entre notre consommation. Bon, il faut en manger, il ne faut pas trop en manger. C'est quoi qu'on est supposé de manger? Là, maintenant, on le sait, il faut en manger. Ben, y a une formule pour ça. Puis là, je l'ai dit, puis je vais l'écrire. C'est des mathématiques? Mais pratiquement pas. C'est des mathématiques faciles. Si je les comprends bien. Genre 4,36. Ça va être facile pour vous autres. Première année de secondaire. Mais non, vous n'avez même pas besoin de calculatrice. Gardez ça. Pour un gramme de gras, dans le fond, pour pouvoir consommer un gramme de gras, ça va avec notre poids corporel. Okay. Que dans le fond, vous devrez consommer un gramme de gras par kilogramme de notre poids corporel à nous. Bon, là, ça va mal. Je ne sais pas combien je pèse en kilogramme. Je le sens en livre. Oui. Fait que mettons un exemple de quelqu'un qui pèse 150... Tu sais, avec un exemple, c'est encore mieux. Ouais. Quelqu'un qui pèse 150 livres. Oui. En kilogramme, ça va faire 68 kilogrammes parce qu'il faut diviser les livres par 2,2. 2,2, oui. Ouais. Okay, voilà, 2,2, c'est le chiffre magique. Je connais le chiffre, mais je ne peux pas le compter dans ma tête. Non, voilà. Alors, mettons pour une personne qui pèse 68 grammes, ben, kilogramme. Kilogramme. Gramme. Ouais. Ah oui, c'est que ça. Tu mangeras pas grand gras. C'est un micro de main. Oui. Ben, elle doit consommer 68 grammes de gras par jour. Donc, okay. Un nain. Ben, moi, je sais pas, il faudrait le peser. C'est ce que tu venais d'établir comme règle. Mais là, concrètement, ça ressemble à quoi, 68 grammes? Oui, puis là, on se dit, dans l'instant qu'on a fait notre calcul par rapport à notre poids, puis qu'on sait que c'est 1 gramme de gras par jour qu'il faut consommer par kilogramme de poids corporel. Si on doit manger 68 grammes de gras par jour, on peut regarder, moi, l'exemple que j'aime bien utiliser, là, les Big Mac. OK. D'un restaurant que je ne suis pas oui, prêt de ben nommer. Là, avec pas parce qu'il y a Mac de dedans qu'on comprend, dessus. Ben non. À lui, tout ça, le Big Mac, il peut avoir 26 grammes de gras. OK. Ça, c'est juste le Big Mac à lui tout seul. Puis là, sachant que dans une journée, une personne qui pèse 68 kg devrait manger 68 grammes de gras, on vient d'atteindre déjà... Tu viens de poster ça pas mal. Bien, on l'a pas posté parce qu'on est à 26 sur 68. OK, excuse-moi. Hein? Mais on n'a pas calculé le gras qu'il y a dans la frite qui vient mais avec. Non, c'est ça. Puis a... souvent, t'en prends... il y en a beaucoup qui prennent un deuxième Big Mac à côté parce que c'est pas assez. Ben oui, puis... le chausson qui vient avec. Puis, hein, c'est... Fait que déjà, juste dans un repas de ce type de restauration rapide-là, quelconque, on peut déjà atteindre ce qu'on a à manger dans une journée. Wow. Mais ben là, ouais. Ça, on parle de restauration rapide, on le sait, hein, que ça comporte beaucoup de gras et tout ça. Mais dans les produits préparés aussi, il peut y avoir beaucoup de gras. Puis des exemples aussi, là, on peut regarder ça dans le... Tu sais, mettons, j'achète une boîte d'un produit X qui contient des gras, des glucides, des lipides et tout ça. Dans le tableau de valeur nutritive qui est à l'arrière, c'est indiqué combien de grammes de chaque que ça comporte. Ce qui peut être intéressant de savoir aussi, c'est que dans un produit, il peut avoir des bons gras, puis il peut avoir des mauvais gras. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, il n'y a pas de gras trans, là. Oui. Qui sont, on le sait, les gras trans, je pense que c'est clair pour tout le monde, là, c'est du mauvais gras. Oui. On le sait, il y a une grosse propagande dernièrement. Pas de gras trans, mais pas de gras seul. Trans. C'est pas le seul. Souvent, ce qui va arriver, c'est que là, les produits, l'ont su, il y a eu une réglementation qui s'est faite dans les dernières années. On n'a plus le droit de mettre de gras trans dans la plupart des aliments transformés. Ça, les compagnies le savent. Et ce qu'ils vont faire à la place pour modifier. Ils ont modifié tout ça, hein, puis ils ont mis ça en belle affiche là, sur le dessus. Ça... Pas de gras trans. Dans le fond, il n'y a rien qui a des gras trans, je viens de le dire. Donc, si tu écris pas de gras trans, c'était pas vraiment original. C'est ça. Mais pour... Oui, c'est ça. Ils ont juste compris à gamier. Un spécial avec gras trans. Oui, c'est on fait différent. C'est vendeur, c'est écrit pas gras trans. Mais pour que le produit reste le produit puis qu'il garde bon sa saveur, puis oui, voilà, bon goût, il faut qu'il le remplace par autre chose. Puis souvent, ils vont le remplacer par d'autres mauvais gras, comme le gras saturé. Mm-hmm. Fait qu'il n'y a plus de gras trans. Mais allez voir dans le tableau de valeur de valeur nutritive, là, c'est du gras saturé. Fait que c'est pas mieux. Fait que les deux mots-clés à retenir pour mauvais gras, c'est gras trans, si on le sait, et gras saturé aussi, puis ça vaut la peine d'aller voir dans le tableau de valeur nutritive. C'est bien qu'ils l'écrivent en texte, tu le vois, là, c'est oui, écrit. T'as c'est pas besoin ça. De déchiffrer les mots. Exactement. Fait que quand tu vois qu'il y en a, ben il y en a. Fait que c'est du mauvais gras. Est-ce que ça veut dire que le produit va exploser ou que nous, on va exploser si on en mange? Non, mais ça va être à consommer avec modération. Ceci étant dit, il y a quand même des bons gras puis qui sont aussi affichés dans le tableau de valeur nutritive. Puis les deux mots-clés pour les bons gras, c'est gras monoinsaturé et gras polyinsaturé. Donc encore là, tu te dis, ben, regarde, là, pour l'instant, savoir tout en quoi ça découle, c'est pas important, mais juste le fait de savoir, ben c'est pas important. C'est vraiment intéressant, oui, oui, puis ça pourrait faire partie d'une autre chronique, mais c'est une autre guerre, beaucoup d'autres définitions. Là. Et c'est mêlant un petit peu parce que tu as dit que le saturé, gras saturé, c'est pas bon, mais polyinsaturé. Oui, parce que tu as saturé et insaturé. Okay, ce qu'on c'est veut, contraire. C'est de l'insaturé. D'accord. C'est ça, insaturation. Mais c'est facile à voir sur le tableau, c'est les deux mots que tu prends pas le temps de lire au complet parce qu'il est trop long. C'est ça. Fait que si ces deux mots-là, tu les lis pas, c'est eux autres. C'est cool, j'aime ça, c'est une belle façon de le retenir. Fait dans dans Word, là, je pense qu'il y en a un qui te met une erreur, c'est clair. Fait que c'est bon de voir la différence entre les bons gras et les mauvais gras. Fait que dans le 68 grammes de gras qu'on veut consommer dans une journée, toujours pour la personne qui pèse 68 kilogrammes, c'est de consommer des bons, surtout des bons gras, puis éviter le plus possible de mauvais gras. Fait que même si une personne qui dirait, moi, je m'en vais manger, je me prends un repas dans une restauration rapide, j'atteins mon 68 grammes de gras dans mon repas, puis le reste de la journée, je vais manger juste des légumes, je suis correct. Oui. Non. Étant donné que c'est des mauvais gras. Ce qu'on veut, c'est avoir un plus grand apport de bons gras. Il faut compenser avec les bons gras. Voilà, voilà. En prendre plus. En prendre plus. Okay. Puis essayer d'en prendre le moins possible de mauvais gras pour la santé. Des drapeaux rouges dans la liste d'ingrédients. Tu sais, il y a le tableau de valeur nutritive, puis il y a la liste d'ingrédients qui est à côté. Dans la liste d'ingrédients, les mots suivants devraient vous allumer une lumière rouge. C'est comme une dictée. Vous dire mauvais. Okay. Quand vous voyez. Puis là, je vous dis même pas. À quoi ça consiste, mais juste vous dire, quand vous voyez ce mot-là dans la liste d'ingrédients, c'est pas suggéré en termes de bon gras. Donc, shortening. Quand vous voyez ça, là, ah non, suivez-moi en courant. C'est louche déjà. Ça s'achète en briques graisseuses. Voilà. Là. Huile végétale hydrogénée. Finalement, tout ce qui est hydrogéné. OK. Tu sais, shortening, hydrogéné, c'est justement tout ce que le gras à l'état de température de la pièce va être solide. Bon, on voit ça beaucoup sur les margarines non hydrogénées. Tu fais comme, ah, ça, c'est pas pire si elle est non hydrogénée. Voilà, c'est ça. C'est moins ça. Ça rentre moins dans la catégorie des mauvais gras. Mais c'est la margarine plus molle que celle... Oui, molle. Il y en a comme en briques, là, mais celle non hydrogénée, elle se tartine bien, je trouve. C'est ça, parce qu'elle devient liquide facilement à la température de la pièce. Fait que ça serait dans la catégorie des meilleurs gros. Cool. Drapeau rouge, huile de palme, huile de coco. Huile de coco. Huile de palme, oui. Ça, il y en a dans le Nutella beaucoup, beaucoup. Uh-huh. Dans tout ce qui est très sucré, il me semble que je vois ça souvent. Huile de coco aussi, c'est surprenant. Puis c'est un caractère. Ça a l'air le fun. C'est le goût d'aller dans le sud en regardant ça. Mais encore là, c'est dur à l'état de température de la pièce. C'est pas bon. C'est encore le même. C'est pas dans les bons gras. Mais ça, j'avais vu quand je voulais essayer un yogourt fait à base de noix de coco. Il y avait beaucoup, beaucoup de gras saturé. C'est pour ça que j'ai comme laissé tomber le projet d'y goûter parce que c'était quand même impressionnant la quantité de gras saturé. Mm-hmm. Donc, ça m'avait étonné justement parce que c'était de la noix de coco. Mais c'est quand même à faire attention, la noix de coco. Ça rentre dans la catégorie de pas les gras à privilégier dans notre alimentation. OK. Ben, si mettons, moi, je fais une parenthèse pour ma copine qui a commencé à cuisiner sous les conseils d'un nutritionniste avec du coco en genre de peau. Mm-hmm. C'est comme très, très solide. Et puis, elle met ça dans le poêle, puis elle fait cuire ses affaires là-dedans. C'est ce qu'on lui a recommandé. C'est dans la quantité qu'elle va prendre. Parfait. Elle va pas exploser en prenant une cuillère parce que le goût est très bon. Oui. Tu sais, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Mais non, ça serait pas ce genre d'huile-là à aller privilégier puis pour badigeonner nos toasts puis mettre ça partout. D'accord. Fait qu'encore là, c'est dans la modération. Mm-hmm. Et deux derniers drapeaux rouges, quand vous voyez le mot Saint-Doux et le mot Suif, qui sont aussi... Encore des mauvais gras. Deux insultes aussi qu'on peut faire, maudit suif. En plus. On fait tout le temps ça. Puis c'est pas un animal, ça, un suif. Un suif. Un suif. Un suisse. Ouais, mais maman. Fait que voilà, au niveau des... Fait que c'est de faire attention au bon gras par rapport au mauvais gras aussi qu'on va prendre dans notre alimentation. Puis là, il y a une dernière chose que je veux vous parler parce que c'est une question qui revient souvent. Bien, quand on accumule nos graisses, déjà en partant, là, dire, moi, OK, je suis en surplus de calories dans ma journée, fait que je me mets à accumuler mes graisses. Premièrement, où est-ce qu'on va les accumuler, nos graisses? Partout sauf d'un sein. Ça dépend pour chaque personne. Hein. Il y en a qui c'est ça va aller là. Ah, oui. Chanceux! Même chez les hommes. Fait que c'est rare, on décide, moins chanceux de ma part. Ouais. Ah, ouais. Alors, ça peut être différent pour chaque personne. Ça, c'est important. Je pense que c'est le point le plus important de la chronique à retenir. Là. Okay. Quand on accumule des graisses, on ne décide pas l'endroit où on va accumuler les graisses. Il n'y a pas un bouton genre, toi, tu vas là, non, tu vas là. Non, parce que j'aurais des cristis de grosses seins. <Wow. rire> Puis, on prend un exemple typique. Là, la femme poire par rapport à la femme pomme. Hein, on l'entend. Moi, je suis une poire. Moi, je suis une poire. T'es une poire, toi? Moi, je suis une poire. J'ai toutes des fesses, des hanches, des cuisses. La femme poire, elle va justement accumuler au niveau des hanches. On voit la forme de la poire. C'est beau, c'est beau. Mais c'est une façon... Je suis juteuse, je t'appuie de ça. Une façon d'accumuler les graisses, ça, c'est bon. C'est un type de femme. La femme pomme, elle, à l'inverse, va accumuler un peu plus au niveau du ventre. Puis, on va dire que la femme va être un peu plus ronde. Okay? En comparatif avec la pomme. Hein? Voilà, c'est... J'aime ça comparer avec des fruits, de toute façon. Ben oui. Alors, puis ces deux femmes-là, ce serait quoi leur programme d'entraînement qui serait différent? Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'il y en aurait une qui serait femme pomme puis l'autre qui serait femme poire? Qu'est-ce qu'ils font de différent, ces deux femmes-là? C'est comme la tune de Noël, femme pomme pomme pomme. Ouais. Sur la route! Ben, finalement, on chante une tune de Noël quand on ne connaît pas la réponse à la question. C'est ça? Ben moi, je te dirais rien. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Ils font rien de différent, puis il n'y a rien qu'ils peuvent faire de différent. Voilà. Peu importe ce qu'on va faire comme programme d'entraînement, ce qui va se passer dans notre programme d'entraînement, c'est qu'on va avoir une amélioration au niveau du muscle, au niveau de la structure du muscle, au niveau de la dépense de calories, au niveau de, oui, on va brûler des graisses, mais ce n'est pas en effectuant un mouvement qu'on va brûler du gras à cet endroit spécifique-là. Non, on va perdre des seins pareils. Oui, mais ben, puis tu dis, regarde, moi, OK, je vais essayer de faire du bench pour travailler la poitrine. Bien, le muscle, le grand pectoral, va travailler en tant que tel, mais il ne viendra pas brûler la graisse par-dessus. Les femmes qui me demandent quel exercice d'abdominaux je pourrais faire pour perdre mon ventre, le muscle du grand droit de l'abdomen, le six-pack, va travailler... Mais le gras qui est par-dessus ne va pas fondre parce que le muscle qui est en dessous travaille. Mm-hmm. C'est deux choses complètement différentes. Fait que dans le fond, ce qu'il faut se dire, c'est que le but, c'est de bouger plus, manger mieux, réduire notre consommation de graisse, mais notre consommation aussi de protéines, de glucides pour créer un déficit, pour perdre du poids, perdre des graisses, mais... Malheureusement, on ne décide pas de l'endroit où ce qu'on va brûler des graisses. Fait que peu importe le mouvement que je vais faire dans mon entraînement ou dans mon quotidien, on brûle pas à cet endroit-là. Pourtant, ça a l'air logique. Là, on se dit, Colin, le mieux va faire de la chaleur puis va brûler ce qu'il y a autour. C'est ça. Puis, tu sais, les annonces à la télé, c'est mêlant aussi. Ils vont dire, Aptronic, vous voulez perdre, avoir des abdominaux de l'avant. C'est vrai, tu vas peut-être avoir des abdominaux en faisant mais des pauses, exercices pour être caché en dessous de la couche de graisse. Fait que le but, c'est de bouger puis de trouver des activités physiques que tu dépenses beaucoup de calories. De toute façon, tous ces trucs-là, ça vient avec un guide pour mieux manger. Puis, effectivement. Fait que faut que tu changes ton alimentation, finalement, oui, aussi. Faut que tu changes ton alimentation pour créer le déficit. Mais un exemple que j'aime donner aussi, c'est par exemple un joueur de tennis qui va jouer toujours avec le même bras. Hein? Il va avoir un bras dominant pour faire ses smashs et tout ça. Il peut jouer au tennis 4, 5, 6 heures dans une semaine. Est-ce que le bras avec lequel il joue va brûler toutes les graisses parce que c'est lui qui bouge, puis l'autre bras qui bouge pas, il va rester gros, il bouge pas autant que l'autre. Je suis content que tu aies choisi le tennis comme exemple, et non pas d'autre chose. C'est un très bon exemple. Ben, c'est parce que tu dis, regarde, pour le même corps, c'est deux bras différents. Oui, il y en a un qui va être plus endurant. Oui, ça se peut même qu'on dise, voyons, il est un peu plus ferme, un peu plus solide, mais il va pas avoir un bras. Fait que finalement, notre corps, il est bien fait. Fait que ça fera pas comme dans Astérix, le lanceur de javelot dans les 12 travaux. Il y a un super gros bras musclé puis un petit bras très feluette de l'autre côté. Ça se peut pas, on est ça. Bien fait, le corps humain, pour pouvoir accumuler des graisses un peu partout pour justement éviter ce genre de problématique-là. Même chose, on marche sur nos jambes à longueur de journée. On va utiliser nos bras pour... Ben, la plupart. Mettons à l'exception de Kenny, là, sur sa planche. On salue, on passe. On marche sur nos jambes, on utilise beaucoup nos jambes toute la journée. On va utiliser moins nos bras de façon moins active pour parler, pour faire des petites choses. On utilise les bras, mais nos jambes, on travaille plus fort que nos bras. Est-ce qu'on va se ramasser avec des petites jambes toutes minces qui partent parce qu'eux, ils travaillent beaucoup dans la journée, puis des gros bras parce qu'on les utilise moins? Non. Encore une fois, on est bien fait pour que nos graisses soient réparties un peu partout. Bref, on serait difforme si ça fonctionnait comme ça. Oui, puis on serait beaucoup moins fonctionnel aussi, là, d'avoir un côté. Tu sais, on est droitier, on est gaucher, on utilise notre côté droit. On serait toutes minces du côté droit, obèses du côté gauche. Fait, finalement, hein? Finalement, ça serait dur à gérer. Oui, ça serait pas du tout fonctionnel, puis ça serait vraiment difficile. Fait qu'à ce moment-là, là, c'est juste d'enlever la question quand on veut brûler des graisses à des endroits spécifiques, on ne peut pas brûler à des endroits spécifiques. Ça ne se fait pas par l'entraînement. Il y a des procédés mécaniques qu'on peut faire, là, une chirurgie ouverte. Là. Moi, je t'ouvre le ventre puis je vais chercher ton gras, il n'y en aura plus de gras. Là. Mais en reprenant, par exemple, les mêmes activités qu'avant, la même alimentation, tu vas accumuler des graisses exactement aux mêmes endroits que tu avais accumulé préalablement aussi. Fait que, c'est de faire la différence, finalement, entre... les bons gras, les mauvais gras. Fait que je reviens avec le début, là, faire la guerre contre le gras. Pensez-vous qu'on doit partir en guerre contre le gras? Maintenant, là, qu'on a jasé de tout ça. Je dirais plus apprendre à le gérer. Oui, avoir le juste milieu entre mettre les nos barrières. Oui. Mettre tes culottes. Ils sont trop petits, il faut que je perde du gras. Justement, je voulais te parler de ça, Mathieu. Hey, merci. Permettre les tiennes, ça me rendrait plus à l'aise. Hey, tu me diras pas quoi faire dans mon studio entre 7h30 et 9h. T'es pas maman. Alors, faut pas faire la guerre contre les gras parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de bienfaits aux gras, mais en même temps, c'est de voir le juste milieu entre les deux, entre la consommation qu'on prend, entre les bons et les mauvais gras. Puis de faire aussi attention à notre façon de voir les choses quand on commence un entraînement. Je vous suggère beaucoup plus d'aller faire du cardio pour une activité qui bouge beaucoup plus, que vous dépensez plus d'énergie, que de vous clencher une demi-heure d'abdominaux à terre à juste bouger le tronc. Ça va être plus payant pour votre perte de calories générale d'activer plus de muscles. Alors, encore une fois, sauf les personnes qui sont des personnes troncs, qui peuvent en fait se faire aller le tronc, ça va aider. Aller le tronc. Oui. Non, il faut juste être clair pour tout le monde. Bon. Très intéressante chronique, comme toujours, Cindy Gilbert. Ah ben, merci beaucoup. On te retrouve dans deux semaines. Yes! Hey, dans deux semaines, on va parler de quoi manger avant, pendant et après l'entraînement. Ah, ça, j'aime ça. Ah. On va s'instruire. Oui. J'ai l'impression que ça va plaire à bien des gens, cette chronique-là. Ah. Dans deux semaines, les mercredis à 8h, Cindy Gilbert. Yes, on est dans un campus aussi. Là. Aussi. Ouais. On va pas oublier vous ça. Vous venez bouger dans mon cours dans 28 minutes. Steph. Oui. C'est ça. Le vous excluant la personne qui anime l'émission. Qui est à sa droite. Oui, ouais, voilà. Exactement. Mathieu est à ma droite. Merci. Donc, tout le monde connaît la configuration du studio. Ben, c'est bon de s'imaginer dans la tête. Ouais. Les murs sont Mathieu qui rouges ne porte pas de pantalon, qui est à ma droite. C'est bon surnom d'ailleurs, Mathieu. Qui porte pas de pantalon, qui est à ma droite. Ah, avec des guillemets. Et Stéphanie qui est à ma gauche, qui va venir suer dans quelques minutes dans mon cours. Je vais aller faire des fesses. Fesses de fer. Alors, merci beaucoup. Merci, bonne merci journée. Bye. On écoute, évidemment, on n'a déjà pas le choix. Hein? C'est le carré lourd. Pas le choix. Ben oui, c'est comme J'aurais mis l'exercice, moi, des trois accords. Ah, j'ai pas ça. Quand elle est plutôt raide et la gravité affamée, il n'y a aucun filet en dessous de tes pas. Tu as tout ton poids, le vide a tout son temps et la lourdeur de ton tourment. Et parfois le corps est lourd, mais l'âme est légère comme l'air. Le corps est lourd, mais l'âme est légère comme l'air. Quand le vent te pousse à contre-courant, le glissement de tes pas sur un tambour, les yeux vers le bas. Tu hallucines subitement, tu l'évites là-haut, au-dessus des moyens de tes affaires. Tu sais si bien le faire, tu sais si bien le faire. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis. On est mercredi 12 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Oui, et on est là pour vous mettre en forme ce matin. Tantôt, on a parlé avec Cindy Gilbert de gras et d'entraînement, puis ça nous a pompé un peu. Avant, on a mangé du chocolat, fait que là, on est sur encore un bourse de sucre. Un high de sucre. Maintenant, on va se mettre sur un high de culture plus. On va on va lever nos muscles culturels, tu sais, on va se cultiver, se culturer, comme certains diraient. Donc voici le temps d'une culture. Carignan, bon matin. Bon matin. Bonjour, bonjour, bienvenue à toi. Bienvenue dans notre humble studio. Et merci beaucoup de m'accueillir dans votre demeure. Oui, exactement. Si je, non, j'ai pas de qualificatif. Confortable? Petite. Petite. Cozy? Ouais, genre. Beige. petite beige. Excuse-moi, mais moi, je suis devant un mur rouge. Ah, tu vois, c'est Bourgogne et rouge. Bourgogne et sable, un peu, je dirais. Bref, Alexandra Carignan, le temps d'une culture, on parle d'art et spectacle, art et culture, divertissement, tout ce qui est choses à faire. Très certainement, apparemment, on parle de ça. Et en fait, je vais diviser. Je divise tout le temps mes chroniques. Oui, tu es une fille de division, mais, une vraie séparation des races. Ouais, je suis une séparatiste de la culture. C'est ça, exact. Tu joues à Tetris? Non, mais. Non? Non, j'ai jamais joué à Tetris. Jamais. Je connais le. C'est pas un sujet que je suis à l'aise avec. Non, mais t'aimes les grandes barres. J'aime les grandes barres. Je suis pas certaine. Je sais pas. Je sais pas sinon, pourquoi. À Tetris, il y a des petites barres courbées aussi. Allez, S, va. Wow. Des fois, il y a des petites barres à deux points. Wow. Donc, on parle de quoi? On parle, en fait. Je disais ma chronique en deux. Je vais faire un retour sur les événements artistiques qui se sont passés cette semaine et la semaine dernière. Et je vais vous booker votre semaine. Mais pas tant, là. Tu sais, je vais vous... chill, booker votre semaine à faire des choses. Mais je vais booker la semaine prochaine. Vous allez voir, vous allez voir. Alors, on va revenir, en fait, sur deux spectacles. Premièrement, en fait, l'excellent spectacle de Claude Pelgag qui était chez nous à Trois-Rivières le 6 février dernier à la salle Louis-Philippe Poisson dans la belle ambiance bistrot qu'on y retrouve. Claude Pelgag, qui est vraiment une de mes artistes presse, comme dirait mon frère de 17 ans. Ouais, les alors, jeunes. C'est mon presse. Alors, je l'aime beaucoup. Elle a, en fait, elle a sorti son premier album très récemment, en fait, cet automne. Et là, elle était en tournée. La salle, elle était pleine. Laissez-moi vous le dire. Ça n'a pas pris... c'est ça. Il y a des spectacles, même Louis-Philippe Poisson, des fois, c'est difficile à combler. Là, non, c'était plein. Et en fait, Claude Pelgag, elle est surtout reconnue pour ses textes. Mm-hmm. Ses textes qui sont si particuliers, avec une extrêmement belle poésie. On dirait que c'est des paraboles constantes. Et aussi une très belle voix, chaude, difficile à chanter. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai une de ses chansons dans ma tête. J'ai l'impression d'être une fille hystérique qui n'est pas capable de faire... qui chante sans... Ça se fait pas. Bon. Ben non, parce qu'elle a vraiment une maîtrise excellente de sa voix et elle passe des notes assez hautes à des notes assez basses et pas nécessairement les mêmes. Hein? Donc, si quelqu'un te demande, c'est quoi la tune que t'as dans la tête, c'est comme, je vais te prêter le disque, ouais, je vais pas t'a chanter. C'est la non, 3. Je me suis rendu, cette semaine, j'avais beaucoup écouté le CD et je me suis rendu compte à quel point c'est abominable m'entendre chanter du Claude Pelgag. Et donc, là, on met le statement que sa voix est difficile à chanter. Eh bien, en spectacle, ce n'est pas une déception. Elle refait... Elle a une maîtrise constante de sa voix. C'est comme sur le CD, sinon plus, en fait, parce qu'elle rajoute des choses. Mm-hmm. Elle embellit ses chansons. Elle était très bien entourée. Elle avait un quatuor à cordes, donc alto, violoncelle, violon et contrebasse. Wow! En fait, quatuor à cordes... Donc, une contrebasse, c'est plus ou moins dans un quatuor à cordes, mais là, on en fait l'extension avec un drummer. Et elle était au piano à queue. Ça, c'est aussi c'est intéressant. Les artistes, normalement, qui vont jouer du piano ne vont pas utiliser du piano à queue, vont préférer avoir un piano dit synthétique parce que ça se traîne mieux. Entre autres. Et là, en fait, c'était la pièce maître là, de la scène. Scène qui n'était pas, d'ailleurs, hein, à la salle Philippe Poisson. Vous aurez toujours vu, ben, comme n'importe quel spectacle, un petit stage là, qui sont des blocs noirs sur lesquels les artistes jouent. Eh bien là, ils n'en avaient pas. Elle était au même niveau que nous. C'est ce que je trouvais très intéressant aussi. Une proximité un peu plus avec l'artiste. Des beaux kits, ça, faut le mentionner, parce que Claude Pelgag est arrivé en One Piece de pyjama avec des faces de chat. Ah, c'est ça qu'on voit dans la photo du Zone Campus, c'est des faces de chat. Je me demandais c'est ce que c'était. C'est des faces de chat. OK. Et le zip qui te zip de la blouine jusque théoriquement jusqu'au menton. Il allait jusqu'en haut, le zip. Genre, il cache la tête. Là. Ça fait comme un doggy bag de corps. Et, ouais, et c'est ça, en fait. Et elle est arrivée comme ça, complètement zippée jusqu'en haut. Et là, elle se faisait mener par ses violonistes. Mondre, c'est très spécial, Claude Pelgag. Hein? Lors de ses interventions dans ses chansons, faut avoir un sens de l'humour et même un sens de l'absurdité assez élevé. Elle aime Boris Vian. Moi, j'ai comparé ça à... C'est un... Ouais, on peut ajouter ça dans un univers de Boris Vian, là. Fait que si je faisais la blague de Claude Shovel Joke, mettons peut-être qu'elle trouverait ça drôle parce que c'est de l'absurde, genre c'est une traduction littérale de pelle et de gag. Ben, c'est pas de l'absurde, c'est, non, c'est une pas blague un plate. Plate, plus. Si on avait la qualifier, ce serait plus plate. Non, c'est vraiment de l'absurde. Elle te conte une histoire et tu fais, mais ça se peut pas. En tout cas, c'est parfait. Mais moi, je l'aime tellement. Je trouve ça tellement drôle. J'ai une de mes amies qui a fait... C'est particulier. Si, elle raconte ses histoires comme pince sans rire, puis là, tu te demandes si c'est un gag. Ah oui, c'est avec une... avec une attitude vraiment, là. Mais c'est ça qui est arrivé. Puis je niaise pas. Et elle a tellement l'air... ben, pas innocente, mais dans sa... innocente dans le bon sens terme. Oui. Toute petite, naïve. Qu'on fait... Mais le crois-tu vraiment? Je suis pas certaine. Mm. Alors, c'est vraiment intéressant. Mais c'est vraiment un beau spectacle. Ça valait la peine. Si elle revient ici, je vous suggère fortement d'y aller. Et d'ailleurs, vous pouvez acheter son CD. Il est excessivement bon. Spectacle, spectacle, spectacle. Eh bien, samedi, celui-ci était gratuit. Et aussi extérieur, c'était Mystère Valère qui s'amenait à Trois-Rivières dans le cadre des Nuits polaires. Tout les ça, Nuits Valères? Oui. Qu'on a appelé. Les Nuits Valères. Mais c'est, beau, c'est drôle parce que dans le jeu de mots, eux autres, ils ont un kiosque de trucs à vendre pour Mystère Valère et c'était le village des Valères. Ah, avec c'est la drôle. Même écriture, oh, wow. Le même logo. C'était vraiment drôle. Alors, Mystère Valère qui était à Trois-Rivières, 9h30 quand même, c'est un petit tard. Donc, non, je n'ai pas écouté SNL Québec. J'étais au spectacle de Mystère Valère. Ça rejoue vendredi soir pour ceux qui l'ont manqué d'ailleurs. Bon, ben. Ben oui, pendant la Saint-Valentin. Benquin. Chérie. Benquin. Allons-y. Non, mais c'est disponible sur le site. Oui, oui, on peut l'écouter en intégralité sur... C'est ça. Télé-Québec.tv. Télé-Québec. Voilà. Ouais. Alors, c'est ça, j'étais au spectacle de Mystère Valère. Mystère Valère qui, au début, c'était une petite foule gênée et petite qui ne connaissait pas beaucoup les choses. Mm-hmm. Mais ça s'est rapidement grossi. Et là, en fait, Mystère Valère, au début, tu fais « OK, OK », puis là, finalement, tu fais « Ouais! » Puis là, tu bouges. Parce qu'en fait, t'as pas le choix de bouger. Là. Il faisait quand même moins 15 dehors. Puis c'est ça. T'sais, si tu bouges pas, t'es statique sur de la neige, t'as frette aux pieds, puis ben oui. t'as hâte de chez vous. T'sais. Alors, avec Mystère Valère, c'était parfait. On n'arrêtait pas de danser. J'ai eu mal aux genoux pendant 3 jours. Alors, c'était vraiment un spectacle très énergique. Les gars, j'avais froid pour eux, hein, parce que il y avait quand même pas de mitaine, hein, parce que c'est des... boutons. Des boutons, tout ça, puis des boutons. Affaires, ouais. C'est des boutons. Il paraît qu'il n'était pas habillé très, très chaudement. Non, mais c'est sûr qu'il y avait des chaufferettes. Okay. Je sais qu'il y a un des artistes à un moment donné qui s'est enlevé une couche parce que c'est sûr qu'à bouger sous les spots puis les chaufferettes, t'as des petites vagues de froid, mais à un moment donné, t'as chaud. Mm. Ça se peut qu'ils soient tombés malades. C'est ça que je suis en train de me dire. C'est clair, ils sont tous malades présentement. Mais pour avoir parlé avec le band après, s'ils sont tombés malades, eh bien. Ça ne leur dérange pas parce qu'ils ont adoré leur soirée. C'était vraiment un beau spectacle. Ça a duré quand même 1h30, presque 2h avec le rappel. C'était un beau spectacle. D'ailleurs, tantôt, je vais vous faire écouter, si vous dites Mystère Valère quoi? Mystère quoi Valère? Mystère quoi quoi Valère? OK, ben, je vous ai... Hey, ben, je vais vous en passer tantôt. Alors, ça, c'était pour les past events. OK, oui. Donc, ceux que vous n'avez pas pu aller et que maintenant, je vous raconte... Le futur! Alors, le futur cette semaine consiste en... pas grand-chose, mais des choses intéressantes. Alors, premièrement, en art visuel, en fait, l'exposition du Centre d'exposition Raymond Lanier est commencée depuis le 26 janvier dernier, mais le vernissage a eu lieu en fin de semaine. Pourquoi? Mais parce que ce sont les Taïwanais qui exposent et ces derniers étaient en ville. Comme on dit, hein, Taïwan have fun. Taïwan have fun. Oui. Cindy Lauper, sort de ce corps, s'il vous plaît. On en a fait des beaux jeux de mots, je pourrais t'en compter tantôt. Parce qu'on était au Vienne, ça. Je suis jamais content. Alors, c'est une belle exposition. Ça s'appelle une exposition qui s'appelle Printed in Taiwan. Comme fait, c'est ça, là, imprimé à Taiwan. Et c'est un échange, en fait. Donc, au mois d'août, il va y avoir Printed in Canada qui va être exposé à Taïwan. Oh! C'est une exposition d'estampes pour montrer en fait ce que Taïwan peut faire en estampes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que si on aime l'estampe, mais qu'il y a certains styles qu'on n'aime pas, ben là, c'est sûr que tu vas aimer quelque chose et il y en a beaucoup. Ça ressemble beaucoup à la Biennale d'estampes contemporaines dans le visuel. Donc, une œuvre à tous les pieds carrés. Donc, il y a pas de... C'est ça. Il y a beaucoup d'œuvres. Plus d'une centaine d'œuvres. Oh, c'est très chargé. Oui. Oui. Je suis allée la voir. Ah déjà, oui? Déjà, oui. T'as été voir une exposition? Oui, oui, je suis allée voir une exposition. T'es impressionnée. Là. Alors oui, en fait, c'est très chargé, mais c'est sûr qu'on retrouve une œuvre ou deux qu'on aime vraiment là, parce qu'il y a vraiment un grand éventail. Autant de l'art traditionnel que de l'art un peu plus moderne. Donc, on va avoir de la photogravure, de la linogravure. Là, je vous dis plein de termes, là, mais c'est tous les styles d'estampes, là, pas possible. Il y en a un exemplaire un peu, là. je viens de dire ça, puis c'était peut-être même pas vrai. Là, on va me sortir, oui, mais tel type de grammaire. C'est pas. Alors, il y a beaucoup de styles de stamp, on va y aller comme ça. Hein? Statement safe. Alors, il y a beaucoup de styles de stamp et le tout est très intéressant à voir. Et aussi, il y a des explications. Là, les guides ont plein de petites anecdotes à vous conter sur Taïwan. Ah, c'est le fun, ça. C'est le fun, ça. Puis je pense que l'œuvre qui t'a le plus marqué, c'est celle qui m'a le plus perturbée. Et c'est la baleine avec le village sur le dos. Mais oui. Moi, j'ai regardé ça, je suis comme, oh mon Dieu, c'est donc bien bizarre. J'ai trouvé ça drôle parce que c'est de cette œuvre-là dont tu as parlé dans ton article. J'ai fait, ah ben coudonc, c'est vraiment la même qui marque les gens, je pense, dans cette exposition-là. Mais donc, moi, j'ai trouvé vraiment belle. C'est perturbant. Je pense que je l'ai vraiment regardé longtemps parce que c'est particulier. Moi, c'est... Oui, je l'ai trouvé belle, en fait, dans la précision, parce que la ville, elle est tellement petite sur le dos de la baleine. Vraiment. Et là, vous vous dites, oh mon Dieu, je suis donc bien curieux, mais allez-y. C'est ouvert du mardi au dimanche, de midi à 5 heures. Et ouvert les soirs de spectacle aussi. Donc, si vous allez voir un spectacle à la Maison de la Culture, comme, mettons, Roméo et Juliette bientôt, ben vous pouvez aller voir ça. Ah oui. Et si on veut que ce soit toi qui nous montre l'exposition, on doit y aller quand? Jeudi. Jeudi. Soir. OK. Ou dimanche. Ah, c'est bon. Pas choix. C'est ça. Je vais faire une belle visite guidée. Je suis payée pour ça. Alors, voilà, pour le Centre d'exposition Raymond Lagnier, l'exposition présentée jusqu'au 9 mars prochain, donc vous avez le temps en masse. Remettez ça plus tard, comme vous le savez si bien le faire. Et on va laisser ça à Mathieu du futur. C'est ça. Mathieu du futur va s'en occuper. En parlant de... Bon, ben Mathieu du futur et Stéphanie du futur vont se déplacer la semaine prochaine parce qu'ils ne veulent certainement pas manquer la Coupe 3R. Oh! Et oui, la Coupe 3R, en fait, c'est un tournoi d'improvisation entre les trois plus grandes ligues. Là, je pèse mes mots parce que, bon... Hein, oui, pour pas que les autres se sentent rabaissés. C'est parce qu'on vous aime pareil, là, c'est juste que c'est ça. Alors, entre trois ligues de Trois-Rivières, donc on parle ici de la Luître à l'Université, de la Lime, de la Maison de la Culture, et des anciens combattants aux Zénobes. Alors, c'est pour savoir quelle est la meilleure équipe d'improvisation à Trois-Rivières. C'est un tournoi qui se passe en trois soirs, donc chaque équipe reçoit les équipes chez elle. Donc lundi, la Luître va jouer deux fois, un match contre les anciens combattants, un match contre la Lime. Mardi, on se déplace à la Maison de la Culture, la Lime va jouer contre les anciens combattants, la Luître. Et mercredi, on termine ça aux Zénobes, où est-ce que les anciens combattants vont jouer contre la Lime et la Luître. Donc on fait tous un soir de deux heures de spectacle, sinon on joue tout le temps un mini-match de 1 heure les autres soirs. Donc le tout va se calculer en frais de points et si égalité en peut-être frais de pénalité et de trucs de même. Là, faut ça pas avoir à faire compliqué. Un quatrième match, mettons. Ah oui, parce que ben il y a un quatrième match, okay. Mais ce n'est pas dans le cadre de cette compétition-là. Hors concours. En fait, le quatrième match, c'est un peu le match là, pour célébrer le tout, puisqu'il est joué contre les Scabs du Cégep. Mm-hmm. Donc, c'est pas encore déterminé encore si c'est une équipe All-Star des trois équipes ou si c'est l'équipe gagnante qui les affronte. L'année dernière, c'était l'équipe gagnante qui les avait affrontées. Justement, qui a gagné l'année passée, mettons, exemple? C'était la Lime. La Lime. Ouais. Donc, la première année, c'était la Lime. La deuxième année, c'est la quatrième édition. Première année, la Lime. Deuxième année, Anciens combattants. Troisième année, la Lime. Oh! Et... Ça serait autour de la Luître, là. Ben, c'est ça, c'est un blanchissage, sinon. Là. Moi, je suis plus dans la Luître, là. Mais fait que je dis que non, c'est pas autour de la Luître. Mais non, mais ça va être féroce parce que il y a des rumeurs que, et là, je vous dis ça en toute confidentialité, c'est entre vous deux et moi. Oui, personne d'autre que nous. Personne d'autre. On ferme les micros. Écoutez, on m'a fait dire que dans l'équipe des anciens combattants, Luc Mascotte, il serait... Là, vous dites, ça me dit tellement rien. Mais... Le suspense, c'est comme complètement gâché. Je vais remonter ça, voir. Luc Mascotte... Luc Mascotte va être là. Pour les anciens combattants. Eh oui, parce qu'en fait, ce qui est spécial à propos de ça, c'est que là, Mascotte était dans Lim l'année passée. Okay. C'est comme fâchant. Ce qui est bon, le petit tabarouette. Mais bon, c'est ça. Mais il est déjà passé aux anciens combattants. Ah oui, mais il va revenir à Lim l'année prochaine. Mais là, qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, Luc, qu'est-ce que tu fais là? Alors, bon, ça va se jouer quand même assez fort entre la Lime et les anciens combattants. Ça va être vraiment un beau match, une belle soirée d'improvisation. Je sais que l'année passée, il y en a qui nous ont suivis les trois soirs. Donc, ils sont allés à la Lime, à la Lutre, aux anciens combattants. Alors, ça serait le fun que ça arrive encore. C'est tout le temps le plaisir de voir ça. Il y a beaucoup de pins qui se font entre les équipes. Ça va être bon. Puis il y a aussi, tu sais, il y a des joueurs qui jouent dans les deux ligues. Donc, il fallait qu'ils choisissent leur camp. Très droit, oh, c'est ça. C'est pas évident, ça. C'est pas évident, ça. Comme Élodie Mongrain, qui est dans mon équipe à la Lime, mais qui est capitaine à la Lutre, elle a choisi la Lutre. Maxime Tanguay, lui, a choisi la Lime. Simon Potvin, qui joue dans les Verts, est aussi un membre des Anciens combattants. Il a choisi les Anciens combattants, le petit tabarnouche. Vlimeux. Le Vlimeux. Mais bon, alors c'est ça. Ça va être super intéressant. Ça va se passer le 17, 18, 19 février. Donc, respectivement, le lundi à la Chasse-Galerie, le mardi à la Maison de la Culture et le mercredi, ça se termine au Zénob. Et c'est à quelle heure, ça? Écoute, c'est relatif. C'est relatif, c'est bon. On commence à 19h30 à la Chasse-Galerie. Pour la Maison de la Culture et le Zénob, c'est à 20h. Le Zenob, je ne sais pas s'il faut payer un cover. Je m'avance pas. On suppose peut-être, parce qu'on s'entend que ce n'est pas un match dans la case horaire normale. Oui, c'est ça. On va y aller avec un peut-être que ça... Peut-être. Réservez-vous de l'argent. Amenez-vous une petite sacoche. De toute façon, il y a de la bonne bière. Ça prend de l'argent quand même. Voilà. Au pire, vous prendrez une Saint-Ambroise. C'est ça. Puis en plus, on rappelle que... Donc, merci beaucoup, Alexandra. Est-ce que c'était tout? Excuse-moi. Hey, c'est terminé. Puis, en fait, je vais vous laisser sur... On a du temps? Ben oui, Mister Valère. On a du temps pour Mister Valère. Je vais vous laisser, en fait, sur Don't Get Là de Mister Valère, qui était en spectacle samedi dernier. Mais il n'y a pas Luc Massicotte qui chante là-dessus. Ben. C'est ça, non, c'est une chose à la fois. Là. Merci, Alexandra, à la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Case normale, les mardis à 9h. Yes! Retour à la collègue Zone Campus à Assemblage Ruki. Restez là. Assemblage Ruki pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis, toujours en fait dorénavant seulement toi et moi, c'est Philippe Paradis. Oui, Monsieur Plante. Oui, on s'est débarrassé de tout ce qu'il y a de femelles. Ben là, c'est pas vrai, c'est une blague. Puis moi, je sais, j'ai une grosse voix, mais quand même. C'est ça. Non, mais c'était la journée estrogène aujourd'hui, donc là, on est rendu avec une, juste une parité des sexes entre masculin et féminin. On est à un niveau stable. Si ça se maintient jusqu'à la fin de l'émission, on devrait être correct pour équilibrer la planète. Voici, parlant de, oh, tiens, parlant de masculin, voici Pipi. Pie Pie. Et Pagan Day, c'est vrai, ça s'appelle Pipi. Ah. Pie Pie. C'est le symbole Pipi. C'est Pipi. Fait que là, c'est comme redevenu instable. C'était Pagan Day, pièce de l'album de Pie Pie, nouvelle entrée en 20e place anglophone des parleurs assez fous. Maintenant, vous êtes toujours à Assemblage requis et c'est le moment de feuilleter, un peu comme un gâteau feuilleté. On enlèverait la petite crème pour on lui ferait... Donc, on va fêter le Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Et on accueille la prédatrice en chef, rédactrice en chef du journal Zone Campus, Stéphanie Paradis. Hey, hey! Pour parler du numéro 11 du volume 9. C'est du 11 au 24 février 2014. Sur la couverture, on retrouve le championnat provincial de natation. On y reviendra en sport tantôt. Il y a des chests! Il y a des chests de gars, deux chests. Sur les trois filles qui sont entrées en studio, il y en a deux qui ont dit « Oh, belle couverture du Zone Campus cette semaine! » Tu vois, et l'autre était trop pressée. Elle l'a peut-être pas remarqué. Elle l'a pas remarqué. Donc, un chest et demi, si on veut, parce qu'on t'est caché. Commençons en actualité avec la compétition québécoise d'ingénierie. Oui, l'épreuve de design innovateur à l'UQTR. Donc, la compétition s'est passée à l'UQTR, mais design innovateur s'est vraiment passé sur le campus, là, parce que ça s'était étendu aussi ailleurs. Donc, ça s'est passé le vendredi 31 janvier. Donc, c'était la 30e édition de la compétition québécoise d'ingénierie. Donc, c'était dans le hall Gilles Boulet qui a été le point de rencontre des participants de l'épreuve Design Innovateur. Donc, c'était ouvert au grand public et c'est un rendez-vous qui a permis à chaque délégation universitaire en ingénierie, composée d'étudiants à la maîtrise ou au doctorat, de présenter leurs inventions et ou leurs travaux de recherche. Ben, donc, on a vu plein de trucs intéressants. Donc, Mathieu, je crois que ça t'intéresse. Une imprimante à nourriture. Oui, un petit feuilleté, mettons, un petit gâteau feuilleté, on pourrait... Là, tu parles des passions flaky, là. Genre. Passion flaky. Passion flaky. Oui. Caramel ou petit fruit? Clairement caramel. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, ouais. Donc, j'aime bien cette invention-là. C'est super cool. On parle aussi de la GEQTR. Nomination au conseil exécutif, entre autres, la nouvelle personne aux communications. Ben oui, donc, on a... premièrement... Je cherche. Secrétaire général, donc il a été nommé le 26 janvier dernier, c'est Alexandre Nanette. Au département de génie industriel. Et ensuite, on a appris le 31 janvier que la vice-présidente aux communications, Roxane Dulon, a démissionné de son poste pour des raisons personnelles. Donc, en CA de la GE le 9 février dernier, on a nommé une nouvelle vice-présidente aux communications. Et il s'agit de Cathy Simon, étudiante en communication sociale. On a aussi nommé le directeur général des élections au même CA. Donc, il s'agit de Jason Kemp, étudiant en loisirs, culture et tourisme. Donc, il aura pour mandat de lancer et de superviser le déroulement de la campagne électorale et la période de vote. Ben oui, Jason Kemp, vacances! Kim Vacances. Ouais, mais ça sera pas un Kim Vacances, l'organiser ça, là. C'est l'ouvrage. Moi, ce que j'aime, c'est que Cathy Simon, ils ont remplacé une personne qui avait deux syllabes dans chacun de ses noms. Donc, Roxane Dulon. Cathy Simon. Parce que toi, c'est ton genre de scander des noms de vice-présidente de communication mais comme ça. Il faut qu'il y ait quatre syllabes en tout. C'est un prérequis dans le poste. Tu crois? Non. Toujours l'actualité, relance économique et développement durable, l'importance des travaux du CREML et d'Innofibre. Du CREML? C'est le CRML. Donc, le 30 janvier, le Centre intégré en pâte et papier, donc le CIPP de l'UQTR, qui avait accueilli la descente du coude l'an dernier dans les soirées cachées. Je dis ça comme ça parce que c'est là que j'ai découvert le CIPP, parce que je l'ai cherché vraiment longtemps avant de trouver le show. Puis moi, j'appelais le CHIP. Le chip, il n'y a pas de H. Non, je sais. Donc, le CPP a réuni les acteurs de l'industrie forestière et papetière, ainsi que du secteur des énergies vertes, notamment les gens d'affaires, les professeurs et les étudiants, afin de souligner l'importance des recherches scientifiques menées au Centre de recherche sur les matériaux lignocellulosiques, qui est le CRML de l'UQTR, et au Centre d'innovation des produits cellulosiques Innofibres du Cégep de Trois-Rivières. Donc, on nous parle un peu du travail de ces deux centres de recherche-là, ainsi que le partenariat qu'ils ont entre eux et avec les différentes industries. Parfait. Alors, on passe maintenant à la chronique bimensuelle semi-hebdomadaire « La belle-mère » de Sébastien F. Gartin, oui. Encore des histoires universitaires. Il était une fois une université de région. Donc, à une certaine époque, poursuivre des études supérieures signifiait habiter à Québec ou Montréal. Puis vers la Révolution tranquille et le rapport parent et l'éducation au Québec fit un pas de géant. Donc, très intéressant, il nous parle, je trouve ça quand même cocasse, parce qu'il nous parle de que l'université se vante beaucoup de la hausse de la population étudiante dans les médias et tout ça. Et nous autres, on a décidé de placer cette information-là juste à côté de sa chronique, parce qu'on trouve que c'est de l'ironie. Exactement, et c'est très, très bien illustré. Vous allez voir dans la page 5 du Zone Campus. On continue avec nanocellulose. Les mots sont difficiles aujourd'hui à prononcer. Nanocellulose et criminalistique, coopération entre deux départements pour l'avancement de la recherche. Mais oui, tu avais même mêlé les deux photos parce qu'il y avait beaucoup trop de cellulose dans le journal. Tellement. Donc, on parle de Frank Crispino, enseignant au département de criminalistique, et Éric Loranger, professeur au département de génie chimique, qui ont mis leurs efforts en commun pour développer un angle de recherche, soit l'utilisation de la nanocellulose pour les divers besoins de la criminalistique. Donc, on découvre aussi un peu c'est quoi la nanocellulose avec ses propriétés et à quoi ça peut servir. Donc, c'est super intéressant comme recherche. Et ça n'a rien à voir avec Alexandre Nana de la première nouvelle. Non, là, c'est nano. Nanocellulose. Nano. Et Frank Crispino et sa criminalistique, est-ce que tu penses qu'il appelle ça de la criminalistique? La Crispinette. Non, mais on avait dit que Frank Crispino, c'est pas des craquelins. Non. C'est pas des chips, c'est des crispers, des petits crispers. Voilà. Donc, s'il faisait une édition de mini crispers, ça serait des Crispinos. Des Crispino. A Crispino satisfait. OK. Ça se colore sur la guerre. Tabarouette. On passe au portrait-reportage qu'a fait Myriam Lortie au sujet de Benoît Séguin, directeur de la bibliothèque. Donc, une référence. Donc, je ne sais pas si on parle de Benoît Séguin qui est une référence ou bien parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages de référence à la bibliothèque. Mais pour moi, c'est un tout. T'sais. Moi, je trouve ça vraiment hot comme titre. Là. C'est audacieux. C'est Myriam Lortie. Donc, j'ai toujours imaginé qu'un bibliothécaire était en quelque sorte un poète lunatique, un amoureux des mots qui passait ses journées entières à déguster des tournures de phrases, à ranger soigneusement les livres empruntés en appréciant la texture vieillie de la couverture. Un peu comme l'excentrique Mademoiselle C, la mystérieuse bibliothécaire. On découvre que c'est pas toujours exactement la même chose. Sûrement pas. Sinon, aussi en actualité, on a l'Association des étudiants camerounais de l'UQTR. Donc, c'est une association inclusive et facilitatrice. Qu'est-ce que c'est? Donc, l'Association des étudiants camerounais de Trois-Rivières, l'AECTR, célèbre cette année son 20e anniversaire. Donc, l'AECTR compte actuellement près de 50 membres actifs et assidus aux réunions mensuelles, sans compter ceux qui sont déjà intégrés, qui ont pour certains leur carte de résidence permanente. Donc, ils ont une mission bien définie que vous pouvez découvrir dans la zone campus. On partage aussi le calendrier des activités qui sont quand même ouvertes à tous. Donc, ils veulent aussi permettre aux étudiants, pas seulement camerounais, les étudiants étrangers, à s'intégrer, à découvrir un peu plus comment ça fonctionne ici et aussi proposer des activités à toute la communauté pour découvrir certains pays étrangers, dont le Cameroun. Superbe. Alors, on passe en société maintenant avec Kevin Gaudreau et sa chronique Entre les deux pôles. Ah, la schizophrénie est une incomprise. Vous marchez au centre-ville et soudainement vous apercevez un homme au coin de la rue en train de parler seul et se disant à lui-même « Je te dis que j'ai raison, arrête de me contredire, t'as tort! » Il mentionne ses propos avec agressivité et en levant le ton. En 2014, avec l'existence des téléphones avec écouteurs, il est possible de confondre des gens en train de dialoguer à l'appareil. Toutefois, ici ce n'est pas le cas. Et il est probable qu'il soit touché par la psychose et possiblement par la schizophrénie. Ouais. Donc attention des fois là, juger les gens, c'est pas bien. Ouais, c'est triste. Tout est bizarre avec Nicolas Gauthier. La pensée binaire. Parlons de dichotomie, mais que voilà un beau mot pour décrire ce fléau qu'est la pensée binaire. Ce cataclysme intellectuel, dis-je, c'est l'opposition systématique entre deux concepts contraires. C'est simple, c'est sécuritaire et ça évite de se poser trop de questions. Ben ouais, c'est ça, c'est le noir et le blanc, le oui et le non. Le, ouais. Le fleur et le... Le... C'est quoi le contraire de fleur? Je sais pas, une plante? Je sais pas. C'est toi. On passe à l'aplomb dans la tête. Ça, c'est le texte, la chronique de Lily Brunet-Saint-Pierre. Donc, c'est la partie numéro 2 de Remède au cynisme maladif. Toujours dans la recherche d'un peu de légèreté pour faire changement, je continue cette semaine de vous partager ce qui me fait du bien. Pour me rappeler ces petites choses qu'il ne faut pas sous-estimer et vous faire découvrir peut-être des bonheurs insoupçonnés à votre tour. Donc, des petites niaiseries, comme elle dit, qui rendent la vie de tous les jours bien agréable. Alors après ça, on a Je me souviens au pouvoir citoyen, qui est évidemment, encore une fois, la chronique de Jean-François Veilleux. Hymne au véritable amour. Ah, à l'occasion de la Saint-Valentin, permettez-moi de faire une chronique plus émotive sur l'amour et les relations de couple. Certaines personnes se compliquent tellement l'existence quand ce n'est pas la faute de l'indifférence généralisée, le mal de notre époque qui nous ronge, que j'ai cru bon de ramener à vos esprits quelques réflexions personnelles. Ah, il y a toujours quelque chose à dire et c'est toujours très intéressant. Même chose pour Normand Leclerc qu'on a appris à découvrir depuis le début de la session. C'est Changer la vie, chronique numéro 3. Oui, et c'est à lire dans l'ordre parce que c'est la suite d'une seule et même réflexion. Refaire la philo est le titre avec un point d'interrogation, Mathieu. Donc, dans mes deux premiers textes, j'ai tenté de déconstruire la religion et la philo classique. Ces chroniques suffiront-elles à nous sortir de notre délire? Je précise qu'un délire, c'est une fausse croyance bien arrêtée, inébranlable et durable, sans rapport avec la réalité. Je suis le premier à en douter, point d'exclamation. Les gens conditionnés à des croyances religieuses, philosophiques, politiques, économiques, etc., sont imperméables à la raison. Et ils ne se rendent pas compte que se demander si Kant a dit qu'un noumène était telle ou telle chose revient se demander si un ange a deux ou quatre ailes. Combien de ces croyants oseront se dire à eux-mêmes « ici j'avais tort ». Combien se demanderont « faut-il refaire la philo ». Et la réponse tombe comme un couperet « pas beaucoup, sinon aucun ». Et après autant de, je dirais, peut-être lourdeur, mais quand même, tu sais, lourdeur amenée d'une façon intéressante, mais c'est de la philosophie, donc ça, c'est lourd. On passe à quelque chose d'un petit peu plus léger. C'est la chronique PRNDS, c'est la chronique véhicule de Jean-Samuel Gué. Eh bien oui, cette fois-ci, on nous parle du covoiturage idéal, Amigo Express. Donc, le covoiturage est un outil que je trouve merveilleux. C'est un échange mutuel de services qui m'est grandement utile au quotidien. Je voyage régulièrement entre Québec, Trois-Rivières et Montréal. Mes coûts en essence sont diminués lorsque je suis conducteur et lorsque je suis passager, je profite d'un transport à peu de frais. C'est simple et je ne m'en passerai plus. Donc, on nous parle des avantages, comment ça fonctionne, et etc., etc. On va en parler, bien sûr, dans une prochaine chronique PRNDS. Jean-Samuel Guy, on le reçoit les mardis à 7h30. Et en passant, allez voir sur la page Facebook de PRNDS.net ou même sur celle d'Assemblage Requis, on l'a référencé. Là, il fait des petites vidéos. Des capsules vidéo. Mais oui. C'est vraiment très drôle et c'est fun. J'ai adoré ça, regardez. Toujours dans la société, la sous-section loisirs, on nous propose le petit Zwicky illustré, l'illustration d'Alexandre Laramie-Zwicky qui porte évidemment sur la fluoration de l'eau potable à Trois-Rivières. Mais oui, difficile de passer à côté. Et les jeux Sudoku, mots croisés, mots mystères. Il nous reste encore l'autre sous-section qui s'appelle Opinion et c'est Sudoku et Cossy Fabrice. Mais oui, on a quand même une grande lettre d'opinion. Au nom de la loi, point d'interrogation. Je vous arrête. Je vous arrête là. Donc, c'est avec grand intérêt que j'ai lu les articles précédemment publiés dans le Zone Campus. Quelques-uns, certes, m'ont surpris dans l'intensité avec laquelle ils abordaient la question de la religion ou des croyances en général. J'ai trouvé une telle variété d'idées qu'il me serait difficile de partager l'ensemble des réflexions qui ont émergé en les lisant. Sans vouloir détruire le travail attentif de mes collègues chroniqueurs, je pense qu'il faut néanmoins fournir l'autre côté de la médaille pour que le lecteur avisé puisse faire la part des choses. Tout à fait. Donc, c'est en réponse, entre autres, bien entendu, aux chroniques de Normand Leclerc, qui parle beaucoup de la religion et de la philosophie, et aussi à Stéphanie Gladu, qui avait écrit une chronique par rapport aux 10 commandements à l'automne. Toujours évidemment disponible sur zonecampus.ca pour ceux qui veulent référencer ses propos à Sudoku. Donc, allez voir ça sur... Oui, allez relire ces chroniques-là et ensuite allez lire la lettre d'opinion disponible présentement dans le Zone Campus. Voilà. On revient tantôt avec les arts et spectacles ainsi que les sports, toujours dans la chronique du Zone Campus. Mais avant ça, on écoute Patrice Michaud qui va être lui-même référencé dans la chronique arts et spectacles. Oui. C'est comme on prévoit le coup, tu sais. C'est une préférence. Une préférence. C'est un hasard totalement. Un hasard, ouais, c'est ça. Plus ça. C'est un Gaspésien, apparemment. C'est lui, ça? Ben oui! Ben oui, houhou! Tu avais les ongles longs, j'avais les ongles courtes, toi l'île et moi le littoral. On a fait sauter le pont, croiser nos langues mortes, nos mécaniques générales. Tu disais, oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Comme si on vidait la banque, cette impression de manque, Icar cherche son parachute. Ma bouche est orpheline, ta peau de mescaline, reste là encore quelques minutes pour me dire, oh mon bel ami, oh mon âme, je crie, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon âme, je crie, pourquoi les jours sont si courts avec toi? m'écrit pourquoi les jours sont si courts. Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi. Oh mon belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts. Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts. J'ai pris ton cœur de corail. C'est vrai, je me suis fait mal. Mais tu restes mon trésor national. Patrice Michaud est mécanique générale à Assemblage Requis. On est toujours dans la chronique Zone Campus avec Stéphanie Paradis. Oui, bonjour Mathieu Plante. On est rendu en art et spectacle et on commence avec le nouvel album de Patrice Michaud, justement, à quel hasard? Ben oui, mon Dieu, quel hasard! Donc, son deuxième album, Le Feu de chaque jour, pour lui, c'est un changement de perspective. Donc, après avoir marqué la scène musicale de la relève avec son premier album, Le Triangle des Bermudes, l'auteur, compositeur, interprète, ou plutôt le poète Patrice Michaud, revient avec un album qui présente sensiblement le même style folk qu'il a fait connaître. Donc, des textes travaillés, un univers songeur sur le temps qui passe et sur l'espace mémoriel, mais surtout, un dynamisme nouveau se retrouve à l'intérieur de ce nouvel album intitulé Le Feu de chaque jour, paru le 4 février dernier. On pourrait dire que c'est un auteur, compositeur, interprète. Interpoète? Interpoète. On continue avec le spectacle de Clopelgag. Ben, Alexandra Carignan nous en a parlé tantôt, donc on va sauter. On va aller à Trois Gars sur le sofa, à la Maison de la culture de Trois-Rivières. Oui, entre l'humour et la musique. Donc, groupe de musique pour les cœurs légers, Trois Gars sur le sofa était de passage à la salle Louis-Philippe Poisson. Oui, merci. De la Maison de la culture de Trois-Rivières, le jeudi 30 janvier dernier, le groupe y a présenté son dernier album paru en 2013, Couteau Bongo. Donc, les spectateurs ont eu droit à un spectacle tout en humour. Donc, ça alternait vraiment beaucoup entre les deux. Donc, des fois, il paraît que c'était difficile de se rappeler à quel endroit on était parce que c'était très humoristique. Ils sont bien le fun, ces gars. Alors, on passe à la deuxième exposition solo de Jérémy Deschamps-Bussière. Oui, donc le vendredi 7 février avait lieu au Café Galerie L'Embuscade du centre-ville. Le vernissage de la deuxième exposition solo de Jérémy Deschamps-Bussière, diplômé en arts plastiques de l'UQTR depuis le printemps 2013. Le printemps 2013. Le Bertrand 2013. Donc, on nous parle un peu de son travail, son processus créatif, ainsi que de son passage à l'UQTR. Oui, Jérémy Deschamps-Bussière, comme je l'appelle, Of the Fields Boss Yesterday. Pensez-y. Dans ce qu'on en parlera maintenant, S'envoler, ou pas, S'envoler d'Estelle Clareton ou Clareton? Je sais pas. Donc, je sais pas d'où elle vient. Mais, je peux vous dire que c'était une lumineuse métaphore de la conquête de la liberté, Mathieu. Liberté! Le jeudi 6 février, à la salle Anaïs Allard-Rousseau de la Maison de la culture de Trois-Rivières, était présenté le spectacle de danse « S'envoler », une création d'Estelle Clareton. On nous invite avec fougue et tendresse dans un univers métaphorique, donc une rencontre à mi-chemin entre le monde des humains et celui des oiseaux. Donc, on nous parle du processus créatif toujours. Mmh. On nous parle un peu aussi du travail, des origines d'Estelle. Donc, la créatrice. Un peu son CV aussi, ce qu'elle a fait auparavant. Parfait. D'ailleurs, en respectant qu'on saute plein de choses parce qu'on a parlé avec Alexandra tantôt, on a sûrement sauté le deux tiers. Donc, allez lire Zone Campus pour savoir le reste. On passe en sport de notre côté et on commence avec ce qui fait la une, natation, 9 médailles provinciales pour les Patriotes. Mais oui, rien de moins. C'est, je crois, le meilleur résultat en 7 ans pour les Patriotes natation. Donc, le championnat provincial de natation du RSEQ s'est tenu du 7 au 9 février dernier au pavillon Universitaire de l'Université de Sherbrooke. C'est un jeu de mots, ça? Université, quasiment. Université, université, c'est comme un jeu de mots. Ben, probablement. Ben oui, c'est-tu en Estrie, ça, Sherbrooke? Ça doit. Si j'espère, sinon c'est vraiment bizarre. C'est ça. Donc, les Patriotes ont connu une des plus belles performances de leur histoire avec une impressionnante récolte de 9 médailles, dont 3 d'or amassées par Caroline Lapierre-Lemire. Donc, elle a amassé, elle à elle seule, 4 médailles. Donc, quand même... Et les garçons étaient plus forts que jamais. Donc, c'est la première fois qu'il va avoir que l'UQTR va présenter un relais masculin au championnat canadien. Donc, il y a seulement 3 athlètes qui se sont qualifiés. Mais quand il y en a 3, le règlement stipule qu'un 4e garçon peut les rejoindre pour constituer un relais. Donc, c'est une chance exceptionnelle pour les Patriotes Natation d'aller présenter ce relais-là. Ça va être à Toronto, si je ne me trompe pas, très, très bientôt. Là. Cool. On saute par-dessus Activer votre santé parce qu'on l'a fait avec Cindy tantôt. On va en hockey avec des défaites à l'étranger. Mais oui, on a brisé les victoires consécutives pour les Patriotes hockey. Ils ont arrêté à 13 seulement. Là, je dis seulement avec des guillemets parce que c'est quand même impressionnant, 13 victoires consécutives. Donc, lors du deuxième week-end de février, la formation de hockey des Patriotes s'est inclinée lors de ses 2 parties en Ontario et par un joueur clé par la même occasion. Donc, c'est Pierre-Olivier Morin qui a subi malheureusement un coup disgracieux de l'équipe adverse qui malheureusement a dû quitter le match et je crois qu'il ne reviendra pas. La saison est terminée pour lui. Donc, c'est dommage. Ouais, tout à fait. Alors, on continue en cheerleading, une bonne performance compte tenu des circonstances. Oui, donc, décimée par les blessures, la formation de cheerleading de l'UQTR a dû s'ajuster à seulement 4 entraînements avant sa 2e compétition de la saison. Celle-ci s'est tenue le dimanche 2 février dernier au pavillon des Pionniers de Saint-Hyacinthe. Donc, les Patriotes ont pris le 5e et dernier rang de la rencontre. C'est une bonne performance si l'on prend en considération l'état dans lequel se trouvait l'équipe. Et on a aussi changé le fonctionnement un peu de l'équipe, mais c'est ça. Ouais. Et on, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On continue et on termine en fait en badminton, une première saison par équipe terminée. Oui, donc à leur première saison dans le circuit universitaire du réseau du sport étudiant du Québec, les Patriotes badminton sont exclus du championnat provincial par équipe. Donc malgré plusieurs bonnes performances, le club trifluvien. Je reprends un club, mais je m'en fâche sur trifluvien. Le club trifluvien n'a réussi à amasser aucune victoire face aux universités adverses. Il est néanmoins possible de dresser un bilan positif de cette première campagne. Donc, on s'entend pour une première saison des Patriotes. C'est quand même pas le drame total non plus. Donc, c'est un bilan positif pour la saison. Et on nous parle aussi du championnat provincial individuel, qui est autre chose en badminton parce que là, c'était par équipe. Ouais. Voilà pour le Zone Campus. On retrouve ça en kiosque du 11 au 24 février 2014. C'est le volume 9 numéro 1. En couverture, on retrouve un chess ennemi. Un chess ennemi, ouais. C'est ce qu'on a déterminé. Donc, retrouvez ça sur le campus du QTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. C'est Zone Campus et aussi zonecampus.ca. Hein? Et voilà. Page Facebook. Yes. Tout est là. Merci Stéphanie Paradis. Merci Mathieu Plante. Rédactrice en chef du journal Zone Campus et co-animatrice à temps partiel d'Assemblage Requis. Oui. D'ailleurs, parlant d'Assemblage Requis, c'est là-dessus que ça se termine pour aujourd'hui. Oh. On se retrouve demain. Avant ça, on va dire qui a participé à l'émission d'aujourd'hui parce que c'était l'émission Estrogène. Cindy Gilbert était là à 8h, Alexandrine Pichessire à 7h30, Alexandra Carignan aussi pour le temps de culture. Merci à toi Stéphanie Paradis, bien sûr. Merci Mathieu Plante. Si tu n'as pas vraiment contribué à l'Estrogène, on apprécie quand même ta présence. C'est ça. Ben merci Caroline. C'est trop gentil. J'apprécie la présence de tout le monde aujourd'hui et de ceux de demain aussi parce que Véronique Mire va être de retour enfin avec la lettre. Je crois qu'on est rendu à K. Je t'ai un peu mêlé. En tout cas, avec son Véronique Sionnaire. Ensuite, François Landry qui va venir nous parler de politique dans son segment Logocratie 101. Tout ça en plus de gadgets inutiles. Dans 5 semaines, ça devrait pas. On l'a, qu'on fait d'habitude le mercredi. On va le faire demain, jeudi. Aussi, les instructions d'assemblage. Oui, je voulais pas que tu m'abandonnes avec ça. Tu me l'as dit, hein. Si j'ai quelque chose à couper demain, c'est pas les instructions d'assemblage. C'est ça. Je pense que c'était clair, mon message. Et c'est pas 5 semaines, ça devrait pas. On l'a. Donc, devinez ce qu'on saute demain. On va voir. On vous tient au courant. CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. À demain, Steph. Hey, à demain, Mathieu. Bye.